Léonce Vitaliho. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principales articulations. Le journaliste Gildas Ihunimhundu a été libéré dans l'après-midi de ce lundi. Il avait passé la nuit de dimanche à lundi dans le service national de renseignement. Le ministère burundais de l'Intérieur a pris ce lundi une décision de suspendre provisoirement cinq organisations de la société civile, parmi elles l'Union burundaise des journalistes, UBJ en sigle, on en parle dans quelques instants. L'émission Karadiridimba de la radio Isanganiro est aussi suspendue pour un mois. Le Conseil national de la communication évoque une chanson qui a été insérée dans l'émission du dimanche 16 octobre comme étant à l'origine de cette décision. Ils sont en tout au nombre de 7 les nouveaux ambassadeurs qui ont présenté la semaine dernière leur lettre de créance au président de la République du Burundi. Les pays qui renouvellent leur représentation sont notamment les États-Unis, la France, la Belgique et l'Union européenne qui promettent de redynamiser les relations entre le Burundi et les pays représentés. Dans ce journal, vous entendrez le porte-parole adjoint de la présidence de la République. Vous aurez également le droit à la chronique sportive, ce sera vers la fin de ce journal. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à cette édition. La radio de l'avenir. Le journaliste Gildas Ihunimhundu de la radio BBC à Bujumbura a été libéré ce lundi dans l'après-midi. Il avait été arrêté hier dimanche et conduit dans un cachot du service national des renseignements. Ce journaliste était accusé de tentative de destruction des preuves des crimes des insurgés lorsqu'il était avec une consoeur de nationalité américaine, Julia Stills, à Mutakura, au nord de la capitale Bujumbura. Mais l'américaine a été remise à l'ambassade des États-Unis hier dimanche. L'émission Karadiridimba de la radio Isanganiro est suspendue pour une durée d'un mois. Cela ressort de la décision du CNC de ce lundi. Le vice-président de ce conseil fait savoir que la diffusion de la chanson Agathe Kakazina Muntu dans cette émission du 16 octobre dernier en est la cause. Les détails avec Alain Désiré Boukéenez. En publiant la décision que le Conseil national de la communication, CNC, a intitulée « Décision portant mesure de remise à l'ordre de certains médias pour manquement professionnel », le vice-président du CNC dit que le contenu de l'émission Karadiridimba du 16 octobre 2016 en soi ne fait rien. Gabriel Bihumugani dit que la chanson « Agathe Kakazina Muntu » diffusée lors de cette émission n'est pas équilibrée. Lors d'une conférence de presse animée ce lundi, Gabriel Bihumugani dit que cette chanson accuse les autorités publiques de violation de la liberté de la presse et que de façon générale, les droits de la personne humaine sont bafoués. Selon lui, il n'y a pas d'autre chanson qui peut équilibrer cette dernière, ce qui constitue pour lui la cause de suspension de cette émission. L'émission Karadiridimba de la radio Isanganiro est suspendue d'antenne pour une durée de 1 mois pour avoir introduit et joué en date du 16 octobre 2016 une chanson qui n'est pas conforme à l'éthique professionnelle et aux valeurs démocratiques et déontologiques. Son vice-président du CNC dit que toute chanson devrait être diffusée après avoir reçu l'aval de l'amicale des musiciens du Burundi. Lors de cette conférence également, le vice-président du CNC dit que la radio dit s'est mise en demeure pour un mois et prié de ne pas utiliser, sous peine de suspension de ses activités, l'identification de Bouja FM jusqu'au jour où sa demande de changement... Le ministère burundais de l'Intérieur a pris ce lundi la décision de suspendre provisoirement 5 organisations de la société civile, parmi lesquelles l'Union burundaise des journalistes. Selon l'ordonnance signée ce 24 octobre, les activités de ces associations ne sont pas en conformité avec leurs objectifs consignés dans leur statut, mais sont plutôt de nature à perturber l'ordre et la sûreté de l'État. Une autre ordonnance avait été signée le 19 octobre dernier pour radier définitivement cette fois de la liste des ASP. 5 associations de la société civile. Selon le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Terence Nahiraja, ces associations ont continué à travailler clandestinement alors qu'elles étaient suspendues provisoirement. Suivez Terence Nahiraja, assistant et porte-parole du ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur a sorti une ordonnance de suspension de 10 associations qui étaient plus impliquées que les autres. C'était en date du 23 novembre 2015. Parmi les 10, excepté le PARSEM, aucune association n'a poursuivi son procès devant la justice. Parmi les 9 qui restent, il y en a 5 qui, au lieu de respecter la loi, de respecter la suspension évidemment, ont continué clandestinement à faire, à poser des actes ignobles de nature à perturber le pays. Et ils ont travaillé en cachette, ils ont préparé des documents qui ternissent le pays, et ils ont même publié. Raison pour laquelle donc, Son Excellence, le ministre de l'Intérieur, de la Formation Patriotique, a sorti une ordonnance en date du 19 octobre 2016 qui radie les 5 associations. Il s'agit du FORSC, du FOCODE, de ACAT, APRODH et RCP. Ici, nous voudrions informer l'opinion nationale et internationale que ces 5 associations ne font plus dans la société civile burundaise. Les 5 que je viens de citer se sont coalisés avec 5 autres qui n'étaient d'ailleurs pas suspendus, à savoir le COSOM, Coalition de la Société Civile pour le Monitoring des Élections. Il y a CBCPI, Coalition Burundaise pour la CPI. Il y a UBG, Union Burundaise des Journalistes. Il y a la Ligue Iteka, SOS Torture Burundi. Les 5 radiés et les 5 autres que son excellence ministre vient de suspendre aujourd'hui ont continué à travailler clandestinement en posant des actes qui perturbent le pays. C'est ainsi qu'aujourd'hui, en date du 24 octobre 2016, son excellence le ministre vient de suspendre temporairement. Cette ordonnance du ministre de l'Intérieur ne va pas empêcher ces organisations radiées à continuer à travailler, selon le président de la PRODH, Pierre Claver-Monima, qui dit n'avoir pas été étonné par cette mesure, d'autant plus que ces organisations venaient de passer près d'une année de suspension. Suivez. Franchement, moi, je n'ai pas été étonné quand j'ai vu la nouvelle, parce que même cette organisation, nous étions suspendus temporairement, mais dire qu'on nous a radié des listes de la société civile, ça serait un souhait, ça ne va pas nous empêcher à continuer à travailler, même on venait de faire toute une année suspendue, on a continué à travailler, à produire des rapports. Même à Genève, on se rencontrait avec le président du gouvernement, alors qu'on était suspendus. Alors même maintenant, si on dit qu'on nous a radié sur la liste des organisations de la société civile, pour nous, ça ne nous dit rien. Nous allons continuer bel et bien notre travail. Nous allons continuer à défendre les voix sans voix. C'est notre rôle. Il y a des hommes de bonne foi qui ne veulent pas la violation des droits de l'homme. Nous allons continuer à dénoncer ceux qui violent les droits de l'homme. Franchement, ça ne nous fait pas peur. Je vous le disais en titre, 7 pays dont les États-Unis, la France, le Royaume de Belgique, la Hollande et la délégation de l'Union européenne ont renouvelé la semaine dernière leur représentation au Burundi. De nouveaux ambassadeurs de ces pays ont déposé leur lettre de créance le jeudi 21 octobre. Jean-Claude Karegwaro, porte-parole adjoint de la présidence de la République, fait savoir que les prédécesseurs de ces ambassadeurs avaient terminé leur mandat. Il ajoute que cela a été une occasion pour le président burundais d'échanger sur les relations entre le Burundi et les pays représentés. Ces nouveaux ambassadeurs ont promis de redynamiser ces relations, selon encore Jean-Claude Karegwa, que je vous prie de suivre. Le chef de l'État a saisi cette opportunité pour leur faire part des attentes du gouvernement et du peuple burundais qui attendent ces nouveaux diplomates, des ambassadeurs capables de défendre les intérêts des pays accréditaires sans toutefois nuire aux intérêts du pays hôte. Les nouveaux ambassadeurs arrivent au moment où il y avait des relations qui ne sont pas assez bonnes entre certains pays européens et le gouvernement du Burundi. Est-ce que ces nouvelles représentations s'inscrivent dans le cadre de la renormalisation des relations entre ces pays et le Burundi? Le renouvellement de ces relations diplomatiques s'inscrit avant tout dans une logique de continuité. Quand les fonctions d'un ambassadeur viennent à terme, il est remplacé si le pays veut renouveler ses relations avec le pays hôte. Donc les relations diplomatiques sont renouvelées. Ça c'est de un. De deux, à entendre les dires des différents diplomates, il y a un sentiment que tous ces pays veulent s'inscrire dans une nouvelle dynamique de changement positif par rapport aux relations avec le Burundi. Les différents ambassadeurs, ils réitéraient leur détermination à consentir tous les efforts pour redynamiser les relations entre le Burundi et les pays respectifs. Isanganiro.